Bonjour Naïskia. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, debout sur le zin, c'est la nostalgie des bars. Porter un masque à peu près partout, c'est contrariant. La fin de la traditionnelle bise l'est aussi, ou pas, selon certains et certaines, c'est une libération. La publication quotidienne du nombre de malades et de morts de la Covid-19 ne nous porte pas non plus à la joie. Mais il y a une interdiction qui ouvre une guerre culturelle, la fermeture des bars, les portes closes de ces endroits où l'on boit seul ou accompagné, mais dehors. Pour répondre à cette situation, de nouvelles mesures s'appliqueront donc à partir de samedi. À l'issue, de la même manière, d'une concertation avec le préfet et les élus locaux. Ces mesures, j'ai conscience qu'elles sont difficiles. Mais elles sont, et nous en sommes convaincus, nécessaires. Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants. Boire dehors en France, c'est un patrimoine culturel. Une association a même fait la demande de classement des bistrots parisiens au patrimoine mondial de l'humanité. L'argument massue qui conduit à leur fermeture, c'est encore le seul endroit avec les restaurants où, à tabler, on peut être ensemble sans être masqué. Parce que le café, c'est bien ça, un espace commun où l'on peut être entouré, même dans sa solitude, profiter du spectacle des corps en société, prendre de la place dans l'espace public sans avoir l'air louche ou éruptif. La table de café, c'est un espace public à usage facile. Voici le petit type arigo qui pilla va tirer l'arigot. Donne-moi une bière que je fasse mousser mon ego. J'approche du cosmos cyclique, bientôt le trou noir, le space colique, l'extraterrestre des comptoirs. Mais le compte à rebours, trop nos maîtres, les pulsions du jour. En vitesse en moyenne, je nage le gros lambour. Et la brasserie, latitude 1664, coulée en apnée, ça y est, c'est parti. L'abus d'alcool qui nous embrouille l'esprit et nous fait oublier les règles élémentaires de la sécurité sanitaire et de la pudeur, qui débride, qui donne accès à l'exubérance pour ceux qui n'en ont habituellement pas. Cette consommation plus ou moins maîtrisée préoccupe les partisans de la sobriété et les autorités publiques depuis longtemps. À ce titre, la loi de 1914 qui contraignait à la fermeture précoce des pubs au Royaume-Uni a pourtant démontré un semi-échec. Contraints de vivre en un laps de temps plus court la fameuse sortie au pub, les buveurs n'ont pas toujours restreint leur consommation, mais ils ont surtout inventé le binge drinking, la beuverie express ou l'alcoolisation rapide pour atteindre l'effet escompté. Prendre du temps, et si possible du bon, accessoirement atteindre l'ivresse qui le fait oublier ce temps. Parce qu'il y a une pratique relativement répandue dans les pays du Nord, nettement repérée par le géographe Gilles Fumet, la culture de la cuite. Bon, vous n'avez pas un petit quelque chose pour me réchauffer? C'est jour sans aujourd'hui. Vous croyez que c'est avec les jours sans et avec les jours avec qu'on fera disparaître l'alcoolisme en France? Ah, ça m'est égal, je m'en fous. Bon, bah, donnez-moi un petit café sans pouce café. Le bar ou le café, le pub ou la taverne, c'est d'abord un lieu de réparation. Au début de son histoire, au XVIIIe siècle, la bourgeoisie locale, indésirable dans les salons aristocratiques, le fréquente à défaut. Un brassage social limité par le porte-monnaie des clients, mais le lieu constitue une ouverture où le franchissement des barrières de classe est plus facile, même si elle n'est pas gagnée, renforcée par l'apparition des boissons sans alcool, les soft drinks, sous forme de café, de chocolat chaud et bien plus tard des sodas. À la veille de la Première Guerre mondiale, on assiste à une révolution du boire dehors. On compte presque 500 000 débits de boissons en France, plus ou moins sophistiqués, de la planche de bois au zinc, alors qu'aujourd'hui, ils s'en ferment davantage qu'ils ne s'en ouvrent. Une multiplication renforcée par l'autorisation délivrée aux veuves de guerre de devenir bistrotières pour pallier l'absence d'aide sociale ou de retraite. Le café, c'est aussi le lieu où se retrouvent les déracinés, ces migrants de l'intérieur ou de l'extérieur, qui peuplent sans discontinuité les grandes villes de l'ère industrielle. Il y a de petits ou de grands cafés où l'on va boire, où l'on va pour boire mais pas seulement, pour se réchauffer, pour sortir des logements urbains étriqués qui nourrissent encore aujourd'hui l'urbaphobie, pour lire, pour s'informer, pour sentir la société. La nostalgie des cafés par anticipation, ce n'est pas le regret des cuites de trottoirs mémorables ou de la parasociale, c'est aussi se rendre compte qu'il constitue un lieu où se déroule une partie de quelque chose dont on n'arrivera jamais à se passer, la vie en société, victime collatérale de l'épidémie. Exactement. À la vôtre, Anaïs. On retrouve le journal de l'histoire et tous les liens sur notre site franceculture.fr.